c'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Bon, comme hier avec l'interview exclusive de Dominique Strauss-Kahn qui nous a fait des révélations sur sa relation avec Julie. Incroyable. Oui, oui, on n'a malheureusement pas eu le temps de parler de... Tourista général. Eh oui, de la tourista. Oh là là là là. Eh oui, de la tourista général à Koh-Lanta. Koh-Lanta rebaptisé tourista général. Exactement. Alors, qui est sorti justement vendredi de Koh-Lanta ? Catherine, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Eh oui, effectivement. Et du coup, bah forcément, elle tire la gueule. Ah, eh ouais, elle n'est pas contente. C'est normal, c'est normal. Quand tu sors la première semaine, c'est un peu la loose. C'est-à-dire que t'as fait tout ça, tu t'as fait les castings, t'es venu, t'as nagé jusqu'au rivage, machin. Et en fait, personne ne se souviendra que t'as fait un jour Koh-Lanta. Bah ouais, non, c'est non, ça, non, tout ça pour rien, quoi. Ouais. Mais bon. Enfin bref. Et bon, ce sont cette année, ce sont les rouges, donc ce sont les Mambok qui affrontent les. Les jaunes, personne ne suit donc. Et les jaunes, oui, d'accord, ce sont les noms, oui. Ah non, et les jaunes, ce sont les Wasai. Voilà. Oui, d'accord. Et okay. Comme quoi, la drogue circule toujours très très bien à TF1 pour trouver ce genre de nom. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et si on prenait des nouvelles de GG là, hein, vous souvenez là, GG, on vous l'avait présenté la semaine dernière, le GG. Il pas bien la semaine dernière. Mais oui, il a 50 ans et il joue sa vie à Koh-Lanta. Là, il est là, il est au taquet, GG. GG est déshydraté, il va falloir qu'on le réhydrate. Et on va décider dans les heures qui suivent de la suite de l'aventure pour GG. Je reviens là. On va tout faire pour. C'est le truc de ma vie, je veux pas le rater. Voilà, GG, il était un peu au bout du bout, quoi. Pauvre GG. Ah ouais, ouais, pauvre GG, ouais. En même temps, faut dire que c'est lui qui fait tout là-bas. Il, bah fait, ouais. Il fait la bouffe, il construit leur cabane. Enfin, je veux dire, sans lui, les mecs, ils sont rien, quoi. Bah, c'est vrai, la preuve. Du moment que le bois est sec, il finit par brûler, même s'il est mouillé. Du moment que le bois est sec, il finit par brûler. Oui, heureusement que GG est là. Ben oui, ben évidemment, évidemment. Non, mais... GG n'a pas toujours les bonnes réponses. Ouais, mais... je ne pourrais pas faire le quart du tiers de ce qu'il fait. Bon, c'est vrai. C'est mais même s'il ne sait pas toujours ce qu'il raconte, ça reste quand même, pardon, un vrai gentleman. Regardez. Vous voyez mal laisser 4 filles en pleine jungle sans un homme pour les défendre s'il y avait un problème. Moi, je tombe face à un serpent, c'est pas un problème. Hein. C'est où je l'écarte ou j'y coupe la tête et on le bouffe. Il a peur de rien, ce GG. Bah, c'est lui le vrai naufragé de Koh-Lanta. C'est vrai, oui, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, en tout cas, restez patients. La semaine prochaine, ce sera le retour de nouvelles aventures et le retour du best-of de. Tourista général. De la tourista générale, bien évidemment. C'est Koh-Lanta, évidemment. Ah, bah ça fait du bien d'avoir quelques news quand même de Koh-Lanta. Hein, c'est ça... surtout le fait que nous on est bien ici peinards et qu'on sait qu'ils sont en train de souffrir sur leur plage. Ok, ils sont dans une plage paradisiaque, hein, mais on ils ont quand même pas à bouffer quoi. Et on critique. C'est ça qui est beau. Oui, on critique. Oui. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Fini les prises de tête comme un enfant avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio à 7h-15, 8h-15 et 9h-15. Et nous allons maintenant donc écouter les messages laissés sur cette ligne anti-relou. Écoutons maintenant le premier message de cette heure-ci, en fait, tout simplement. Ouais, bonjour, qu'est-ce qui se passe, t'es? Tout le monde dit que tu voulais bien qu'on se donne rendez-vous au Quick Affléro. T'es pas venu, en plus, tu m'as dit que c'est exigé si je viendrais habiller en gonzette. Moi, je suis venu habillé en gonzette, toi, t'es pas venu. Je sais quoi, cette affaire. Et tu vas revenir, toi. Dis-moi quoi, hein. T'as pas mon numéro de téléphone, mais je tiens. T'en casse pas, je te retournerai un T4. Et un peu vénère, mais il est oh là un là, peu il a pas l'air aussi, content, hein. Dis donc, celui-là. En même temps, il était au. Je retrouverai un de ses cartes. Mais il va se calmer tout de suite. Il était au Quick habillé en gonzesse. Ça, bah, c'est attends, bon. Mais. Bah oui, mais enfin, le mec, il est complètement con, c'est et un premier ça, rendez-vous. Bon. Et la fille lui dit, bah, tu viens habillé en gonzesse. Et bah, lui, attends, il arrive. Il y a des meufs qui ont des fantasmes bizarres. Hein. Ouais, mais enfin, quand même. Bon, allez, deuxième message maintenant laissé sur cette ligne anti-relou, on écoute. Oui, Vanessa, c'est moi. C'est pour te dire que, comme prévu, je suis là au rendez-vous. Je suis déjà entré dans la glacerie, j'ai pris la coupe de fraises comme tu me l'as demandé. Je suis là avec mon petit bouquet de roses, donc dès que tu me vois à table, parce que ta glace est déjà en train de fondre, donc ce serait bien que tu viennes le plus rapidement possible. C'est déjà la deuxième fois que tu me donnes un rendez-vous, j'espère que cette fois au moins tu seras présente. On concrétise notre relation et qu'on avance un peu plus. Merci, bisous. Mais tu n'as pas de relation, comment t'expliquer? Bah, il voudrait la concrétiser justement, mais attends, tu dis il s'est fait avoir deux fois, oh mon dieu. Mais tu vas voir qu'il va nous rappeler bientôt, ce sera la troisième fois. Et encore, ce ne sera que le début. Et ce ne sera que le début. Allez, troisième et dernier message maintenant sur cette ligne anti-relou. Bonsoir, bonsoir. coucou. Je voudrais. Oui. Je serais heureux de vous rencontrer. Je ne parle pas très bien le français, mais je comprends tout. Hein. Mais je vraiment, tout. Sauf vraiment. Pas, on voudrais, toute vous rencontrer. Je vraiment voudrais faire votre connaissance. Bah, il aimerait bien. Hein. S'il vous plaît. Vraiment. Téléphone, Thérèse. Rappel. Rappel. Déjà, t'as peur, t'as pas envie de. Rappel. Moi, je suis effarée. Effarée, exactement. Effarée. Scandalisée, Julie. Elle me dit, mais mon Dieu, comment ça peut exister? Tout ce qu'on entend le matin comme ça, ça me. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Mais... Tout à fait, oui. D'ailleurs, elle rentre à la maison et tout, elle fait. Ah, oh, si tu savais ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je suis effarée. Ah, je suis effarée, mon chéri. Effarée. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Et en attendant, nous accueillons Sébastien Loeb ici présent pour faire la déclaration express. Salut. Salut Loeb. Salut. Et la nous allons. Vivre, hein. Ah, on devait prendre David Loeb. Normalement, qui voulait faire cette déclaration express, mais qui, comme par hasard, n'est plus joignable. Mais c'est pas grave, on va appeler sa copine qui s'appelle Céline. Céline, 19 ans de Charleroi. Et donc, on va l'appeler maintenant pour lui faire cette déclaration express. C'est parti, appelons immédiatement Céline. Et puis, il y aura l'info aussi de Julie dans 5 minutes. Et bah voilà, pas mal de choses aussi qui vont arriver. Hein. Pas mal de bonnes informations, notamment la petite info en plus. Ah oui, la fameuse petite info. La fameuse petite info en plus. Allez, c'est parti, on appelle Céline maintenant. Allô. Allô Céline. Oui. Salut Céline, c'est Mickaël. Et en direct à la radio sur Fun Radio. Bonjour. Ça va bien. Je t'appelle de la part de David. Tu connais David? Oui, je connais David. David qui n'a pas eu les corones de passer à l'antenne puisqu'il nous avait appelé en disant « Ah oui, je voudrais faire une déclaration express à Céline, vous pouvez m'appeler. » Et là, évidemment, il n'est pas joignable, hein. C'est pas très grave. Hein. Ah, d'accord. Hein, on a bien compris que c'était tu pouvais pas compter sur lui, quoi. C'est pas grave. Bah oui, mais tu vois quand même. Bon, du coup, Céline, écoute bien ce qu'il avait à te dire. La première fois que je t'ai croisé dans ma rue, j'en ai eu même du mal à respirer. Ouais, j'ai cherché ma bombe car je suffoquais. Toi, tu riais. Tu disais t'es vraiment bon comédien, alors que je serrais très fort ta main. J'étais vraiment atteint, non, tu ne me croyais pas. À un moment, j'ai quand même su me relever, et pour venger, je t'ai mis une grosse fessée. Là, tu m'as regardé d'un étonné, comme si j'avais osé te dérober quelques euros ou crever les pneus de ta Fiat Punto. Mais moi, ce que je veux, c'est. Non, ça va aller, ça va jouer, c'est très bien. C'est okay. Très, très bien, c'était parfait. Bon, Céline, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite déclaration express faite spéciale pour toi? Ah, c'était, voilà, elle est c'était bien. Eh oui, elle est heureuse. C'est ça. Mais dis-moi, t'as pas envie de sortir avec un vrai mec, là? Parce que le mec, le tien, là, en l'occurrence, un vrai mal. En l'occurrence, moi. C'est vrai qu'il craint un peu, là, bon. Bah, il craint un peu, il appelle pour faire une déclaration, puis après, il s'en va. Ouais, c'est un petit. Voilà. En fait. Alors qu'il ose pas. Alors qu'il a une jolie chance, quoi. Bah ouais, mais réfléchis bien Céline, hein. Le mec on lui casse son cou. Bon Céline, en tout cas je te fais des gros bisous et passe une bonne journée à Charleroi sur son 3.5. Bisous. Salut, ciao à toi. Salut. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Oh, alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. Bon, et ce matin Tof, on va appeler qui alors encore une fois? Non écoute, comme ce week-end, tu sais, je suis encore rentré bon avec ma main. Oui bah heureusement oui. Ouais voilà, et juste le numéro de la ligne anti-relou. Je me suis demandé où est-ce que je pouvais avoir un numéro à tous les coups. Et tu es arrivé à quelle conclusion? Bah qu'avec le 1307. Oui, mais ça, c'est renseignement, ça. Il faut avoir le nom de la personne pour avoir un numéro. Bah, pas si je demande le numéro de la personne que j'ai au bout du fil. Oui, c'est une manière de voir les choses, effectivement. Bon, bah écoute, on voit ce qu'on appelle maintenant. L'avantage avec ça, c'est que c'est ouvert 24 sur 24. Voilà. Ça, c'est pratique. Bon, allez hop, on y va. On appelle les renseignements. Bienvenue au 1307. Allô, bonjour. Oui. Tu es seul? Pardon? Tu es seul? Oui, monsieur. Oui, c'est vrai. Comment t'appelles-tu? Arnold, mais vous cherchez un téléphone maintenant? Oui, Je cherche ton numéro de téléphone. Ça, on ne sait pas, hein. C'est pour les services. Oui, mais j'aimerais bien être à ton service. Mais non, ça ne se fait pas. Hein. Mais si, désolé, hein. J'ai envie d'être ton esclave. J'ai envie d'être ta chose. Mais non, c'est pas plus sérieux maintenant. Hein. Moi, je suis ici pour un téléphone et c'est tout. Ça oui, ben c'est ça, on est là pour ton numéro de téléphone. Alors vas-y, je t'écoute. Mais non, monsieur, désolé. Hein. Mais si, je sais que tu as très envie de me le donner. Alors n'aie pas peur, vas-y. Tape ton nom dans la machine que je puisse avoir ton numéro. Non, monsieur. On termine ici, ça va? Mais non, enfin, tu ne m'as pas donné ton numéro, on ne termine pas là. Et je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Moi aussi, mais j'aimerais la passer avec toi. Un instant, hein. Attendez. Vous cherchez un numéro de téléphone? Oui, je voulais le numéro de Van Hold. De? De Van Hold. Je n'entends pas le numéro de mes collègues. Bonne journée, monsieur. Ah, ils sont morts. Votre appel est terminé. Ah, bah, s'il appelait. Ah, bah, au revoir, le 1307. Ah, alors, ils sont morts de rire. Ah, c'est pas mal. Ouais, ils ouais, c'est pas mal. Oui, ouais. Oui, bah, ils essayent en tout cas. Ouais, c'est mais vrai que c'est principal. Pas de numéro. Oui, malheureusement, tu reviens les mains vides. Hein. C'est honteux, le 1307 qui ne donne pas de numéro, ouais. C'est honteux. C'est vrai que c'est scandaleux, hein, alors ouais. Que tu payes pour ce service mais quand voilà, même. C'est par ça. Contre, on a bien remarqué qu'en fait, ce n'est pas notre standard, mais c'est bien leur téléphone, le téléphone de ce mec qui était pourri. Hein. Enfin, ah oui, puisque... Parce que le mec d'après, on l'a très bien entendu. Hein. C'est l'autre qui non, était. Mais, allô mais je crois que l'autre, ouais, il parlait pas, quoi. Michael, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Michael à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Michael à la radio. Fun Radio.